Dumme Balzac, doch Füße geknommen, vom Budanot, dein Sack, doch Füße war Liebe, halber an ihr Trinki, se Mame, ich schare, bis damit sind Gatschikki, wir Dolor. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau. Aujourd'hui consacré une nouvelle fois, puisque c'est l'épisode 2 sur le label russe. C'est quoi déjà son nom? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Chernaya Plochad, qui veut dire Black Square en anglais, ou la place noire, le carré noir en français. Voilà, bon, moi, comme je disais la dernière fois, je devinerais en fait que c'est pour contrebalancer le fameux truc de la place rouge, vu que ouais. C'est des inconnus. Voilà. Bon, après, c'est mon point de vue. Hein. Je n'aurais pas demandé si c'était ça, vu qu'en russe ou en anglais, c'est vraiment ça. En fait, c'est plochat, ça veut dire aussi bien la place que le carré. Ouais. Du coup, c'est un peu. Voilà. Bon bref, du coup oui, c'est un peu, ça va être notre manière en fait de passer des groupes russes, hein, je pense sur cette saison, parce que au moins on sait qu'on va pas passer des groupes qui soutiennent la politique de Poutine et tout le délire qui va avec, n'est-ce pas? Vu que ce label en fait a produit des compilations expressément contre l'agression russe de l'Ukraine. Donc les groupes adhèrent à cette déclaration, au manifeste qui va avec, quoi. D'accord. Voilà. Donc, puis évidemment, la plupart des personnes qui sont impliquées dans ce projet de label et des groupes d'ailleurs, hein, ont dû partir de Russie, puisque c'est illégal de dire, même ne serait-ce que le fait d'être contre la guerre, en fait, et de le dire, c'est illégal. Donc, il peut être puni de peine de prison très, très lourde, ou carrément d'être au relais de force et envoyé sur le front là-bas. Et, enfin, bon, c'est un délire quand même qui n'a plus de limite. Donc voilà, c'est quand même, ça reste courageux de faire tout ce projet. Et donc j'invite tout le monde à les soutenir. Le label Black Square, c'est très simple de les trouver sur Bandcamp. Hein. Suffit de taper Black Square et vous trouverez toutes les compiles et les groupes qui produisent, quoi. Donc D'accord. ils ont déjà fait, le volume 7 là qui vient de sortir d'ailleurs récemment. Et puis voilà, nous on va passer quelques morceaux de quelques groupes. Comme je disais la dernière fois, c'est pas du tout un best-of ou quoi, c'est juste que on peut pas passer tous les morceaux, sinon ça nous ferait quand même une quantité assez hallucinante. Ah, Donc tu m'étonnes. on est bien obligé de choisir. Donc voilà, j'ai choisi quelques titres de nouveau. De toute manière, on va continuer à en faire pas mal des émissions, donc on Oui. aura l'occasion d'écouter encore plein d'autres groupes. Voilà. Parfait. Et on va commencer d'ailleurs avec le groupe Acid Vicious. Ouais, je sais plus s'ils font partie des compiles en tant que tels, mais ils sont produits en tout cas par le label. Ils ont une magnifique pochette que je t'avais envoyée d'ailleurs. Ouais. un magnifique collage de Sid Vicious qui fout le couteau sous la gorge de Poutine, avec une croix gammée sur la tronche de Poutine. Et tout. Enfin, le truc est magnifique. J'ai beaucoup aimé. Et donc, le titre que j'ai choisi, c'est ANK. Ça, par contre, je n'ai pas réussi à trouver ce que ça vous parle, ce pourquoi chaque initiale, la signification du truc, quoi. Malheureusement. J'ai cherché, hein, mais avec juste trois initiales en russe, Ouais, tu vas pas loin, quoi. non, non, non. Ça a ses limites, Google, hein. Ouais. Heureusement. We'll be right back. C'était Acid Vicious avec le morceau ANK. Et on va poursuivre avec un groupe qui s'appelle Terminal Addiction. Alors par contre, c'est pas mal de groupes. En fait, il y en a des très connus hein, et d'autres qui beaucoup plus obscurs. Et du coup, trouver des infos sur chaque groupe, ben malheureusement, c'est pas trop possible. Donc il y a pas mal de groupes où malheureusement, je vais pas avoir grand-chose comme info à vous donner. Et donc Terminal Addiction, j'ai choisi le titre Zaperti, qui veut dire enfermé. Oui, il y a plein de titres où vous allez voir, en fait, ça respire de nouveau le bonheur et la joie de vivre et tout ça, quoi. Ouais, heureusement qu'il y a un groupe, il y a un morceau qui s'appelle Pneu à un moment. C'est le meilleur moment, je crois. Oui, je crois. Ah non, il y a encore un autre aussi qui est pas trop Ah. déprimant. Mais oui, c'est vrai que sinon, en règle générale, là, les titres, on va voir qu'on est dans le sujet. Hein, Ouais. on rigole pas trop, quoi. On n'est pas là pour rire. Non, bah après, je les comprends, là. Hein, ils ont pas Ouais. trop de rigoler en ce moment. Власть не над предметами, а над людьми. Как человек утверждает свою власть над другими, заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. Теперь вам понятно, какой мир мы создаем? Мир страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных, мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иного смеха, кроме победного смеха над поверженным врагом. Не будет искусства, литературы, науки. Не будет различия между уродливым и прекрасным. Исчезнет любознательность. Жизнь не будет искать себе применения. С разнообразием удовольствий мы покончим. Но всегда, всегда будет опьянение властью и от того, что наступил на беспомощного врага. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека. C'était Terminal Addiction avec le morceau Svaperti. Nous allons poursuivre avec le groupe qui s'appelle Héroïne. Terminal Addiction, héroïne. Ouh. Il y a une espèce de logique qui suit, hein. Et donc, c'est le fameux morceau dont tu parlais, qui veut dire pneu. Et en russe, c'est Pokreshka. Nous venons d'écouter le morceau Pokreshka du groupe Héroïne. Et nous allons écouter maintenant Guns Down. Ouais, Guns Down avec, bah, devine quoi, Ah. Vojna, qui veut dire la guerre, quoi. Но мы все со всеми людьми. Слово C'était Guns Down avec le morceau Voina. Tiens, on va aller du côté de Moscou maintenant avec Will to Win. Ouais, et donc bah, on reste dans les titres qui respirent le bonheur avec Mir Obrechen qui veut dire le monde est condamné. Et attendez, le suivant, il va être super cool aussi. C'était Will to Win avec Mir Obrechen. Et nous allons aller du côté de Petro Zagwozdetsk avec le Oula, morceau. Hein? il est chaud hein, celui-là à prononcer, hein, cette ville. Hein. Ouais. Oui, mais excuse-moi. Ouais, pas de souci. J'allais dire qu'on va écouter Tortuga. Avec. Bah, allez, on continue dans le sujet, dans le vif du sujet. Mir Vognier, qui veut dire le monde est en feu. Voilà, donc on continue à. De Bon, mieux en mieux. étant donné que c'est des compilations contre la guerre, après, c'est pas très étonnant que ce soit Non, le non, genre. c'est sûr. Voilà, quoi. Mais bon, il pourrait avoir un peu de sens de l'humour, bordel. Ясно, то враг, а C'était Tortuga avec Rémi Cogné. Et on va passer maintenant à un groupe qui s'appelle Trésor. Ouais, et le titre c'est Cocon, qui a priori, bah, ça veut dire cocon. Donc bon, j'avoue que j'ai pas eu la traduction des paroles ou quoi. Je peux pas dire si c'est une chanson qui est un peu moins triste, triste et bah, voilà dans les sujets en mode sympathique quoi qu'on vient de traverser. Mais bon, en tout cas le titre, voilà, est un peu moins déprimant. Cocoon du groupe Trésor. Et nous allons aller en Sibérie avec Chag Protiv. Ouais, un groupe de Irkoutsk, et bah, le titre original, bah, voilà, hein, qui reste dans le sujet, Voïna, je vous le redis à nouveau, ça veut dire la guerre. On va pouvoir bientôt faire une émission juste avec des morceaux de groupe qui s'appellent juste Voina. Ben ouais, mais le pire, c'est ça, c'est que, comme on disait, bah, comme on a souvent dit, quoi, l'histoire Ah bah oui. de l'ex-URSS est tellement empreinte de la guerre, et alors depuis tellement longtemps, il y en a eu tellement, et à chaque fois, ils s'en sont tellement mangés, mais plein la gueule, quoi. Puis, oui, voilà, quoi. C'est un peu dur de passer outre, hein. Ouais, c'est clair. C'était Shag Protive avec Voina. Et nous allons finir avec un groupe qui s'appelle Brond. Blood, ouais, Brond, pardon. avec le titre Nabat, et alors ça veut dire alarme, Eh voilà. ben voilà. On va comme ça, au moins, on aura appris quelque chose. C'est ça, et bah ouais, donc on reste encore et encore dans la guerre, l'alarme, tout ça, tous les trucs. Et donc oui, bah pour finir, d'autant plus que c'est intéressant quand même de découvrir ben tripatouiller de groupe et de soutenir ce label. Les profits aussi sont reversés quand même à des associations d'aide aux réfugiés ukrainiens, quoi. Donc D'accord. Ouais. ça fait beaucoup de raisons quand même pour bouger le cul sur Bandcamp et puis voilà quoi, aller les soutenir. Уже не хватает слов, как впрочем уже не хватает эмоций на бесконечный беспредельный ток. И лица знакомых в ледяном остой. По позже списке задержанных, по позже списке осужденных. Тех, кто уехал в последний момент, и тех, над кем нависли тучи. На земле моей, задавленной злобой и болью, несется звон над лесами, полями и зонами. На земле моей, задавленной злобой и болью, несется звон над лесами, полями и зонами. Et c'est avec Brunt et le morceau Nabat, alarme en russe, que se termine cette émission. Merci Souris pour la préparation et la co-animation. Et ben voilà, comme d'hab, avec plaisir. Je sais Et pas quoi dire d'autre à chaque fois, donc. ouais, je sais, mais j'aime bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute, car la voix de la Oi ne s'éteint pas. Salut! Salut!